morceau qui s'appelle Groom 6. Ce couloir vide, ton front appuyé contre ce radiateur, de toi et moi découle la chambre. Combien d'elle? Vas-y, de toute façon, le front appuyé contre ce radiateur. Triangle d'émail blanc, contre ma dent rougie, une ampoule.